Mais en fait, moi j'aimerais, tu vois, les micros des Gibson, les Paul, les Seymour. Mais en fait, j'aimerais avoir ce son, le son d'une Gibson sur ma Strato. Mais à la base, la plaque qui est sur ma Strato, elle ne peut que mettre qu'un micro simple. Et le micro que je mets, c'est double. Tu vois ce que je veux dire? Le son de slash, en fait. Tu vois, le son. Slash, il utilise ça comme micro. Mais j'ai vu qu'il vendait sur eBay. Les États-Unis, pas cher. T'as les versions Zebra aussi, couleur noire et blanc. Non, j'ai pas encore regardé sur la plaque, mais je comptais en fait regarder après l'achat, quoi, des micros. Mais en fait, je sais que cette guitare que j'ai eu ce modèle en fait auparavant, et il y avait déjà y avait un mec qui avait déjà oui ce genre de micro double, donc je pense que c'est possible. Ok René, ben bon après-midi à toi, enfin bonne soirée, il est déjà quand même 18h. Ouais, il faudrait que je l'ouvre, mais je pense que c'est possible. Même au pire, comme c'est sous la caisse, je peux limer pour que ça rentre, quoi. Voilà, faut être kamikaze, quoi. Pas sous sa casse. Tant que ça rentre.